Papoterie, un podcast retour sur la vie. Je m'appelle Victoire Matalouchek. Dans la famille, il n'y a quasiment que des artistes. J'ai grandi, mon père est mort, j'avais un an. Et je me suis mariée à... Je n'avais pas encore 20 ans. Et ton mari, tu l'as rencontré comment ? Ah, ça c'est intéressant. Eh bien, ma sœur s'était mariée l'année d'avant et avec un futur architecte qui était en plein service militaire. Et donc, il faisait son service à Angers. Ma sœur l'a suivi peu après à Angers. Et moi, je suis allée rendre visite à ma sœur, qui n'était pas trop en forme. Moi, j'étais encore au lycée. Il se trouve que mon beau-frère, futur architecte, avait fait connaissance avec les architectes futurs ou déjà diplômés de la promotion. Et Victor faisait partie des architectes déjà diplômés et qui étaient également à Angers. Donc, quand je suis allée voir Béatrice, ma sœur, eh bien, qui était invité à déjeuner ? Victor. Et je dois dire que les Victor et Victoire se sont assez rapidement... ils ont compris qu'ils avaient des choses à voir en commun. Voilà, c'est de là que ça date. Et ça remonte très exactement au 8 décembre 1962. Ce qui fait quand même un certain bail. Un podcast retour sur la vie. Le passé de Victor est tout sauf simple. Il est né donc à Belgrade en 1938, dans un milieu très bourgeois et fortuné. Un père fondé de pouvoir à la Banque nationale. À l'époque, en 1938, la Yougoslavie était une monarchie. Et mon beau-père, que je n'ai pas connu, donc le père de mon futur mari, avait connu sa femme, ma belle-mère, ma future belle-mère, qui était une petite employée de la banque, qui avait fait ses études en France et qui était revenue au pays, parce qu'au départ, elle était serbe, elle était orpheline de mère, elle avait fait ses études en France parce qu'elle avait une tante qui faisait des études de médecine en France, etc. etc. Elle était retournée à Belgrade à la demande de son père. C'est comme ça qu'elle s'était fait embaucher à la banque. Elle avait connu son futur mari. Et du coup, elle avait cessé de travailler, bien sûr. Et donc, mon mari est né dans ce milieu très protégé, très, très agréable, très tout ce qu'on veut. Alors, la Yougoslavie n'est pas rentrée en guerre en même temps que la France. Ce n'est qu'en 1941, je crois, que les Allemands ont attaqué et qu'en 8 jours, Belgrade a été écrasé. Les Allemands sont arrivés mon beau-père était officier de cavalerie, dans la réserve, mais il a tout de suite participé à un mouvement de résistance et il est rentré dans la clandestinité. Et ce mouvement de clandestinité, au départ, a été encouragé par les alliés américains, anglais, français. Parallèlement à eux, il y a eu un autre mouvement qui s'est créé, mais postérieurement, mené par Tito, qui était un mouvement communiste. Et au départ, je ne dis pas qu'il faisait... Si, il faisait cause commune, mais il ne se tirait pas dans les pattes, les deux mouvements. Au contraire, le premier mouvement aidait presque le second. Ou, je ne sais pas comment il s'y prenait, mais enfin, il n'avait rien d'antagoniste. Mais... petit à petit, Tito a pris de l'ampleur. Le mouvement a pris de l'ampleur, soutenu bien entendu par les Russes. Et l'idée, évidemment, c'était d'être seul vainqueur. Ce qui fait que des mouvements, des mesures de contre, enfin, ce qu'on appelle maintenant le fake news, il a réussi à retourner l'opinion des alliés en faisant passer la résistance royaliste pour des traîtres, enfin, des choses vraiment moches, mais c'est de bonne guerre, comme dit l'autre. L'aide n'est plus venue au même endroit. Et ils ont encouragé Tito, qui était un homme extrêmement séducteur. Il a réussi à séduire Churchill, ce qui est un bon, bien. Et quand les Russes ont libéré Belgrade, en 1944, la première chose qu'a fait Tito, c'est d'arrêter tous les résistants royalistes pour qu'ils ne puissent pas se glorifier d'avoir eux aussi défendu la patrie. Et mon beau-père, qui se croyait tellement au-delà de tout danger, enfin, ils ne peuvent pas, je n'ai fait que défendre mon pays, quand il a été arrêté, n'a pas pensé qu'on lui en voulait. C'est pas, j'aurais vite fait de convaincre de mon honnêteté. Oui, d'accord. Il a vite fait d'être descendu sans procès, comme la plupart. Bon, et ils sont tous passés par les armes. Rares sont ceux qui ont pu s'évader. C'est très, très, très rare. Mais vraiment. Et ça a été des mesures de rétorsion vraiment pénibles. Au point où ma belle-mère, des années après, a été emprisonnée parce qu'on se disait peut-être elle connaît le réseau, bah par elle nous arriverons à avoir des informations. Et en plus, ma belle-mère, qui s'était retrouvée dans une dèche abominable, parce qu'il n'y avait plus rien, plus de revenus, après avoir vendu les bouquins, etc., etc., et ne voulant pas dépendre de sa belle famille, qui avait pourtant proposé de l'aider financièrement, elle a trouvé du travail. Elle a fini par trouver du travail, parce que partout où elle se proposait, on aurait bien voulu l'embaucher, mais elle était cataloguée comme veuve de traître. Elle a fini par se faire embaucher à l'ambassade de France, qui évidemment n'avait pas les mêmes raisons de ne pas l'embaucher. Son français était parfait. Elle avait fait toutes ses études là-bas. Donc elle a été embauchée et ça les a sortis, elle et son fils, d'une misère qui aurait fini par arriver. Très rapidement, bien sûr, la maison a été... tous les biens ont été séquestrés. On leur a laissé l'usage d'une chambre et de la cuisine de la maison. Tout le reste a été occupé petit à petit par des gens de toutes sortes qui n'en avaient rien à faire de respecter l'intimité des autres. Enfin, c'est devenu infernal. Et ils avaient... Tout a été, les meubles, même les jouets de mon mari, de ce pauvre petit Victor, ont été embarqués. Mais c'est qui avait embarqué ça? C'était l'État? Le régime, oui, absolument. Bah oui, c'était un traître à la patrie. Donc, on pouvait prendre tous ses biens, sauf si on pouvait prouver que c'était les biens d'elle. Mais non. Donc, elle n'a pas sauvé grand-chose. Ensuite, ils ont quitté la maison. Alors, ils avaient droit d'y rester jusqu'à sa majorité. Ou le remariage de madame. Elle a réussi quand même à quitter cette maison parce qu'elle a trouvé un appartement en ville à louer. Et après, elle a épousé son futur mari, qui était mon futur beau-père, qui était lui-même un agent de l'ambassade. Il était vice-consul, un Français, Georges Mallet. Elle l'a épousé juste à la veille du départ de Victor pour faire ses études en France. Une fois qu'il a fini son lycée, elle a décidé qu'il n'était pas question qu'elle reste dans ce pays, qu'il reste dans ce pays. Un podcast retour sur la vie. Alors, Voilà, ça c'est toute une histoire. Ma belle-mère, qui donc projetait d'épouser mon beau-père, mon futur beau-père, Georges Mallet, ne voulait pas dépendre de quiconque, voulait demander sa naturalisation française de façon indépendante, pas du fait d'un remariage. Donc elle a présenté un dossier ayant vécu en France depuis l'âge de 9 ans jusqu'à 20 ans et quelques, parlant parfaitement français, travaillant à l'ambassade de France, etc., etc., etc. Elle a présenté un dossier qui était accepté, et Victor étant mineur, par effet collectif, sa mère devenant française, lui devenait français. Mais on ne lui a pas dit. Donc il ne savait pas qu'il était français. Dans ces pays avec des régimes comme la Yougoslavie de l'époque, on ne dit pas à un enfant des choses qui pourraient ébruiter et qui pourraient lui nuire. Le régime était abominable, hein. Vraiment. Elle a fait de la prison, je t'ai dit. Enfin, c'était vraiment pas confortable du tout. Donc il fallait toujours faire très attention à ce que l'on dit, à ce que... Il y a des yeux partout. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle était devenue française. Après, elle a épousé Georges et elle est doublement française. Mais Victor était déjà français sans le savoir. Ce qui fait que quand il a quitté le pays, il avait deux passeports. Son passeport serbe, yougoslave, et son passeport français, mais il ne le savait pas. Et ce n'est qu'à la frontière que... les parents lui ont donné et lui ont dit voilà. Et sa mère avait décidé, sa France, la France c'était le pays où elle-même avait fait ses études, c'était la langue qu'elle parlait couramment, elle lui devait tout à ce pays, donc Victor se devait de faire des études en France, donc elle avait choisi que ce serait là et pas ailleurs. Donc, lui n'avait pas a priori de goût particulier pour l'architecture ou pour autre chose. Il aurait préféré faire chimie. Il adorait la chimie. Mais bon, pourquoi pas l'architecture? Oui. Et un architecte était venu à l'ambassade. Ma belle-mère l'avait cuisiné. Quelle serait la bonne école? Il y avait les beaux-arts, mais c'est pas très sérieux. Ça dure des années. Alors que l'école spéciale, c'est payant, mais... Ça, c'est sérieux. Ça, c'est une bonne école. Et donc, ben, c'est comme ça que ça s'est décidé. Il a été inscrit. Il est venu à Paris en tant que jeune étudiant. C'était pas facile. Il parlait pas bien la langue, mais il la parlait déjà pas mal. Mais il connaissait pas toutes les subtilités. Mais il est devenu très rapidement, comme c'était un gars qui vraiment était très sérieux, ben, il a fait de bonnes études et il a fini son diplôme, premier en construc et deuxième en archi. Donc 100%. Et chouchou du patron d'atelier qui malheureusement est mort d'un cancer. Sinon, il avait déjà prévu de lui faire faire des stages aux États-Unis. Enfin, il avait une carrière toute tracée. Et donc, c'est en juin qu'il s'est inscrit au service militaire. Ayant fini ses études, il n'avait plus de sursis. Donc, il est allé faire son service militaire qui, à l'époque, était de 27 mois. Et puis, petit à petit, c'était de moins en moins. Et lui, en fait, il n'en a fait que 16. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Son rapport à la Yougoslavie était douloureux. Et il n'y était pas retourné et il ne parlait plus du tout serbe avec quiconque. Du jour où il a mis les pieds en France, il a cessé de parler serbe et il écrivait à sa mère en français. Pendant 2 ans, il a eu la chance d'être boulevard Jourdan à la Cité universitaire, au pavillon des provinces de France. Il a connu énormément d'étudiants étrangers qui se restaient entre eux, se fréquentaient entre eux. Et lui ne voulait pas de ça. Il voulait vraiment être français à part entière. Donc, on ne parle plus serbe, on ne connaît pas de serbe, et Dieu sait qu'il y en avait. Et ce n'est que petit à petit que j'ai réussi à lui faire admettre sa servitude, en quelque sorte. De toute façon, je pense que ce serait revenu. Mais, tu vois, et de là où il n'était jamais retourné, nous sommes allés une première fois sur la côte d'Almat, qui était donc à l'époque yougoslave, qui ne l'est plus, puisque la Yougoslavie n'existe plus, dans un endroit qui s'appelait Novi Vinodolski. Et c'est cette année-là qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu, le coup de Prague. Ah, c'était une année lourde, hein, mai 68 et le coup de Prague. Mes beaux-parents n'étaient plus en Yougoslavie. Mes futurs beaux-parents n'étaient plus en Yougoslavie. Ils ont quitté Belgrade 2 ans après le départ de Victor. Victor donc est parti en 56 de Belgrade pour Paris. Et eux sont partis en 58. Et leur premier poste, ça a été Venise. Le consulat général de France à Venise. Ils ont adoré ce poste. Ils y sont restés extrêmement longtemps. Il faut dire que mon beau-père était extrêmement... il détestait la nouveauté. Donc une fois qu'il était quelque part et qu'il connaissait, il fallait plus en changer. Alors, la langue d'italien ne posait aucun problème ni pour l'un ni pour l'autre. Ils avaient appris ça très rapidement. Victor parlait déjà italien avant même que ses parents soient nommés en Italie. C'est amusant d'ailleurs. Il avait appris l'italien parce qu'il était tombé amoureux quand il était tout jeune homme d'une autre toute jeune personne. Et pour pouvoir échanger, il fallait apprendre la langue. Donc, il avait appris la langue. Non, mais c'est extraordinaire. Avec une femme qui était serbe d'origine, mais qui était parfaitement bilingue, et qui lui a appris l'italien avec de la poésie. Alors, il était imbattable en poésie italienne. Et puis, il parlait une belle langue. Malheureusement, ça n'a pas aidé à faire plus ample connaissance avec la jeune personne. Les années ont passé, mais l'italien est resté. Alors, en italien, il parlait vraiment parfaitement et, à mon avis, sans accent. Parce que, évidemment, on roule les airs en italien. En français, il parlait parfaitement, accent tonique et tout, mais il y avait le problème des airs. Et on se marrait en disant « c'est le air bourguignon ». Et tes enfants, ils parlent serbe ? Pas du tout. Ben non, parce que comme lui, il avait rayé ça de la carte, c'est vraiment dommage, parce qu'ils auraient appris sans effort, spontanément, 2 langues dès le départ. Mais il n'en était pas question. Bon, on fait une pause. C'était Papoterie, un podcast retour sur la vie à l'espace Canopy.